Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Zélie et l'araignée qui rend zinzin, la troisième histoire que l'on a écrite ensemble. Bonne écoute. Aujourd'hui, Zélie est chez sa mamie et c'est le grand jour. Il est temps pour toi de devenir une véritable tricoteuse. J'aurai mes propres pelotes et des tas de gadgets. Si tu passes les épreuves, oui. Zélie suit sa mamie jusqu'à la porte de la cave, celle-là même que Kindless cherchait à ouvrir. La vieille tricoteuse saisit la poignée, la tourne et la porte s'ouvre. Tu disais qu'elle était condamnée? Cette poignée est bourrée de capteurs. Elle ne tourne que si elle me reconnaît. Zélie pensait trouver quelque chose d'extraordinaire derrière cette porte, mais c'est tout le contraire. La cave est tout à fait normale, avec son fatras de choses stockées sur des étagères métalliques et dans des boîtes en plastique. Tu as l'air déçu. Je croyais qu'on allait rentrer dans une pièce pleine de gadgets. Tu crois vraiment que je me serais enquiquinée à installer une porte aussi sophistiquée dans une simple cave? Ce n'est pas une question, mais un défi. Piquée au vif, Zélie se concentre et inspecte avec le plus grand soin chaque coin de la cave. Et c'est là qu'elle la remarque. À peine visible, une petite porte dessinée sur le mur comme un dessin d'enfant effacé par le temps. Il y a deux petits trous à la place de la serrure. C'est quand même bizarre comme forme de clé. Oh, je sais! Doudou, ouvre tout! Le doudou de Zélie sort de sa poche, se détricote pour prendre la forme de deux aiguilles qui s'insèrent parfaitement dans les deux trous. D'un coup, le sol tremble et commence à s'enfoncer lentement, comme si Zélie et sa mamie se trouvaient sur un gigantesque monte-charge. Tu mérites vraiment de devenir une tricoteuse, ma chérie. On va descendre jusqu'où comme ça? Assez profond. Elles descendent si profondément que Zélie est convaincue qu'elles vont finir au centre de la Terre. Ses craintes s'envolent lorsque la plateforme s'arrête au niveau d'un petit quai où les attendent un wagon croisé avec une fusée. À peine installée, la porte se ferme et la voiture démarre si vite que Zélie est plaquée à son siège, la bouche coincée en ouverture maximale. Un clignement d'yeux plus tard, le wagon s'arrête sur un autre petit quai au bout duquel se dresse une imposante porte semblable à celle d'un coffre-fort. Sa mamie s'en approche et pose la main dessus. Bienvenue, tricoteuse Odette. La lourde porte s'ouvre lentement dans un fracas d'engrenages et de pistons. Tu as l'air surprise. Je m'attendais à des lumières qui te scannent et des petits bruits. C'est bon pour les films, ça. En tout cas, tu vas pas être déçue. Pour sûr, la porte s'ouvre sur un couloir où de vieilles dames habillées n'importe comment font absolument n'importe quoi. Voilà autre chose. Qu'est-ce qui leur prend? Sa mamie s'approche d'une vieille femme trapue en train de picorer des grains de maïs imaginaires. Francine? Que se passe-t-il? Elle joue aux animaux de la ferme. Mais c'est trop nul. Repeindre, c'est trop mieux. Joignant le geste à la parole, la tricoteuse, taillée comme une armoire à glace, jette un pot de peinture puis étale le tout avec ses mains. Qu'est-ce qui vous prend, Monique? Quoi? Les couleurs, c'est quand même mieux que des murs blancs. Le couloir va devenir un super arc-en-ciel. C'est beau, non? Très beau, oui. C'est plus grave que ce que je pensais. Une vraie maison de fous. Tu crois que ça touche tout le QG? S'il y a une personne qui a pu s'en réchapper, c'est Christiane, notre créatrice de gadgets. Elle ne sort jamais de son atelier et n'ouvre jamais à personne. Sauf que moi, j'ai mon doudou. Zélie et sa mamie foncent à travers les couloirs du QG, peuplés de tricoteuses plus folles dingues les unes que les autres. La porte devant laquelle elles s'arrêtent est décorée d'un tas de dessins soulignant l'importance du message peint en lettres rouges et majuscules. Ne jamais déranger. Malgré l'avertissement, Zélie pointe la porte et prononce sa formule. Doudou, ouvre tout! Le doudou sort de la poche de Zélie, se détricote pour prendre la forme d'une clé biscornue. La porte s'ouvre alors sans un bruit. Josette, qu'est-ce que... Patate petite bonne femme, fripée, leur lance une pelote violette crépitante. Zélie recule. Deux aiguilles surgissent dans les mains de sa mamie qui réduit la bombe en tas de vulgaires fils de laine. Trouver une parade contre le détricotage, je note. C'est pas le moment de faire des tests, Josette. Encore une, s'il vous plaît, madame. La vieille inventrice saisit une nouvelle pelote jaune électrique. Aussitôt, la mamie de Zélie lui jette une pelote noire qui libère une pluie de fils qui saucissonne la pauvre Josette. Ingénieux, très ingénieux. Des liens qui se resserrent quand on gigote, je note. Mais enfin, Josette, c'est une de tes inventions. Qu'est-ce qui vous arrive toutes? Mamie, regarde son cou. Mon cou, vaut le coup d'œil. Qu'est-ce que c'est que cette boursouflure? Oh, je ne vous permets pas. Ce sont juste des plis de peau. On dirait une sorte de piqûre d'insecte. Mamie, regarde ce que j'ai trouvé. C'est peut-être un indice sur la chose qui a piqué Josette. On va analyser tout ça. Josette, ne bouge pas d'ici. Saucissonnée comme je suis, je risque pas. Vous pourriez me libérer, hein? Si ma nouvelle amie araignée revenait jouer avec moi, je serais bien embêtée, hein? Une amie araignée? Zélie et sa mamie foncent à nouveau dans les couloirs où les tricoteuses s'en donnent à cœur joint dans le n'importe quoi. À tel point que l'une d'elles n'a rien trouvé de mieux que de bloquer la porte d'accès au laboratoire. C'est du caramel! Heureusement, j'ai plus d'une pelote dans ma manche. Celle-ci, par exemple, a le pouvoir de tout faire fondre. Elle sort une pelote orange, la dépose sur la porte collante. La boule de laine brille de plus en plus fort. Le caramel ne fond pas, mais s'évapore et la porte avec. Zélie et sa mamie entrent dans le laboratoire et s'empressent de lancer l'analyse du mini-poil. Ce poil appartient à une araignée. Et c'est bien une morsure d'insecte. Insanus aranea. Regarde la photo. On dirait une des araignées du manoir des ombres. Il faut vite soigner tout le monde avant que le désordre devienne incontrôlable. Mais ça va nous prendre trop de temps. Pas si on soigne Josette en premier. Elle trouvera une solution pour administrer le remède en deux coups d'aiguille à tricoter. Lançons déjà la fabrication de l'antidote. Quelques minutes plus tard, la première dose est prête. Zélie et sa mamie se précipitent dans l'atelier de Josette et la lui administrent. La tricoteuse s'endort aussi sec pour émerger quelques secondes plus tard. Oh, ma tête! On n'a pourtant pas fait la fête hier. Oh, Odette, pourquoi suis-je saucissonnée comme ça? Son amie la libère et lui explique tout. Brusquement, toutes les lumières passent au rouge. Dans le couloir, les tricoteuses contaminées se mettent à hurler et courir dans tous les sens. Immédiatement, les montres d'Odette et de Josette bipent. Par toutes les pelotes, le hangar est attaqué. On s'en charge. Occupe-toi de nos camarades. Zélie et sa mamie se ruent jusqu'à une porte dérobée menant au hangar, derrière laquelle résonne un concert d'explosions entrecoupé de rires machiavéliques qu'elles ne connaissent que trop bien. Kindless. Mamie, comment une petite araignée peut faire autant de dégâts? Il va falloir ouvrir cette porte pour le savoir. D'accord. L'immense hangar n'est plus qu'un champ de ruines au milieu duquel se trouve un horrible robot araignée laineux géant. Sur la tête de ce robot, une minuscule araignée aux commandes. C'est bien Kindless, métamorphosé. Et pour le malheur de Zélie et de sa tricoteuse de mamie, ils regardent pile dans leur direction alors qu'elles pensaient rentrer discrètement. Le monstre laineux bondit et atterrit avec fracas devant elle. Coucou! Alors la vieille et la morveuse, ça vous embouche un coin, pas vrai? Un peu. Et je suis sûre que vous mourrez d'envie de savoir comment j'ai pu construire ce robot Maximaus Costant. Avec Josette. Oh. Et comment ai-je fait pour la rallier à ma cause? Petit âge, c'est tout. Sûrement grâce à votre venin maboulifiant. Josette nous a dit qu'elle s'est fait une amie araignée. Elle a dû trouver rigolo de lui fabriquer ce robot géant pour qu'elle se sente moins petite. Tu es très, très, très, très énervante, tu sais ça? En même temps, c'est vous qui posez les questions. Oh, tu m'agaces tellement! Alors que l'attention de Kindless est accaparée par Zélie, sa mamie cherche une façon de se tirer de cette situation plus que délicate. Alors qu'elle perd espoir, la solution lui saute aux yeux. un petit fil dépasse d'une des pattes de l'énorme araignée laineuse. Elle doit juste attendre le bon moment pour passer à l'action. Oh, je dois quand même te remercier, Zélie. Grâce à toi, toutes les tricoteuses ont une araignée au plafond. Hein? Pourquoi tu rigoles pas? On a fabriqué un antidote avec mamie. Mais vous êtes la pire des plaies. Je vais me débarrasser de vous. De rage, Kindless abat une patte rageuse. Mais le doudou de Zélie s'interpose et stoppe l'attaque net. Comment? Tu auras beau t'exciter, jamais tu ne pourras nous porter un seul coup. Kindless est furieux et fait pleuvoir les coups de patte sur Zélie, défendue par son doudou magique qui pare toutes les attaques pour protéger l'apprentie tricoteuse. Tiens bon, ma chérie, je vais lui régler son compte. Sa mamie fonce vers la patte effilochée, mais Kindless ne le voit pas et croit qu'elle s'enfuit. Pathétique. Oh, la pauvre chérie abandonnée par sa mère grand. J'ai presque envie de t'épargner, mais je crois que je préfère t'aplatir comme une crêpe. Les attaques redoublent. Le doudou s'essouffle et Zélie commence à se sentir vraiment en danger. Sa mamie fait apparaître ses deux aiguilles, tire sur le fil pendouillant et entame une incroyable chorégraphie. En quelques claquements de doigts, l'horrible robot araignée laineux géant est réduit en un amas de fils de laine. Le pauvre Kindless tombe de haut, droit dans les mains de Zélie, qui s'empresse de le glisser dans une boîte de fer toute cabossée. « Bien joué, Zélie. Oh. » Sa mamie vacille et s'écroule. « Mamie !» Une main réconfortante se pose sur son épaule. Ne t'inquiète pas, ta grand-mère a juste besoin de repos. Oh, sacrée Odette, ce genre de détricotage, c'est plus de son âge. Occupez-vous bien d'elle, les filles. Deux tricoteuses les dépassent avec une civière. À toute chose, malheur est bon. Avec ce nouvel exploit, tu nous as prouvé que tu as tout pour être l'une des nôtres. Bienvenue chez les tricoteuses, Zélie. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.